Chapitre 4. Les grands cercles à Paris ne sont pas tous, comme les grands clubs anglais, propriétaires de l'immeuble qu'ils occupent, mais ils sont presque tous situés dans le quartier de la Madeleine, qui correspond à peu près au West End de Londres. Beaucoup ont des fenêtres sur le boulevard, quelques-uns ont un balcon. L'ancien cercle impérial avait même une terrasse, qui dominait la place de la Concorde. Terrasses et balcons sont fréquentés par les clubmen, à certaines heures, pendant la belle saison. Ces messieurs s'y montrent volontiers à la fin d'une chaude journée de printemps pour prendre l'air, et aussi un peu pour se faire voir, quand le cercle est de ceux où on n'est admis que très difficilement. Lorsqu'on fait partie de l'Union ou du Jockey, on n'est pas fâché d'exciter l'admiration et l'envie de certains passants qui n'y seront jamais reçus, en dépit de leurs millions, et qui donneraient de jolies sommes pour avoir le droit de s'exhiber sur ce perchoir privilégié. Après le Grand Prix, on n'y voit plus personne. Mais au mois de mai, avant et après l'heure du dîner, ce ne sont que fumeurs accoudés sur la balustrade et on y échange de joyeux propos, agrémentés de quelques médisances. Le lendemain du jour où Paul Cormier s'était fourvoyé dans le cabinet du juge d'instruction, les gentilshommes qui l'avaient rencontré le dimanche soir à la closerie des Lilas s'étaient établis sur le balcon de leur club pour causer au frais. Ils étaient trois, comme les mousquetaires d'Alexandre Dumas, trois inséparables, le vicomte de Servon, le comte de Carol et le capitaine Henri de Baffé. Tous les trois bien posés, bien apparentés et suffisamment riches pour faire bonne figure à Paris. Ils ne devisaient pas de fêtes de guerre et d'amour, comme La Mole et Coconas, dans un autre roman du même Dumas. Ils parlaient du derby anglais qu'on venait de courir à Epsom, des derniers vainqueurs du Chantilly et de la grosse partie où Servon ne faisait que perdre tous les soirs. Cette causerie à bâtons rompus avait l'air de les intéresser, car elle ne languissait pas. Mais au fond, ils s'ennuyaient ferme, et chacun d'eux se demandait, à part soi, ce qu'il allait faire de sa soirée quand il aurait dîné au club. Grave question à résoudre, et en attendant qu'elle fût tranchée, il bâillait à qui mieux mieux. « Décidément, Paris est assommant, » dit Monsieur de Carol. « Toujours le cirque et le jardin de Paris, jamais rien de neuf. »« Il vous faut du nouveau, » interrompit le vicomte de Servon. « Je vais vous en servir. » Écoutez ce qui m'advint hier et dites-moi s'il vous est jamais rien arrivé de pareil. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Quoi donc ? Demandèrent à la fois les deux amis du vicomte. Un monsieur qui a gagné 8 000 francs au baccarat et qui refuse de les recevoir. C'est rare, en effet, dit le capitaine Henri de Baffé, mais ça prouve tout bonnement que ce monsieur n'est pas à court d'argent. Ou que ce monsieur est un impertinent. Voici ce qui s'est passé. Avant-hier, dimanche, dans une maison où je vais quelquefois prendre une tasse de thé, parce qu'on y rencontre de jolies femmes, je m'avise de proposer un bac, entre hommes bien entendu. Je taille une banque, je saute de 400 louis que j'avais sur moi, et comme la partie finissait, je les joue quitte ou double à rouge ou noir. Tu les perds ? Naturellement, je ne fais que ça depuis un mois. Et si mon histoire s'arrêtait là, je ne vous la raconterais pas. Mais savez-vous de qui je suis resté le débiteur ? Dis-nous-le tout de suite, au lieu de prendre des temps comme un acteur en scène. Du marquis de Ganges. « Celui que tu nous as présenté hier, à Bullier, ça ne m'étonne pas. Il a l'air d'un vénard, ce marquis. Et sa femme est si jolie que sa veine s'explique peut-être. Ce qui ne s'explique pas, c'est que, hier, les dettes de jeu se paient dans les 24 heures. J'étais en règle, puisque la partie ne s'était terminée que la veille à 7 heures. Donc hier, j'envoie mon valet de chambre porter Avenue Montaigne 22 les 8 billets de 1 000, sous enveloppe, à l'adresse de M. de Ganges. Et ce monsieur n'a pas voulu les prendre. Mon domestique ne l'a pas vu. » Il a eu affaire à une espèce de majordome qui lui a répondu que monsieur le marquis n'était pas à Paris. Je l'y avais vu la veille, et vous l'y avez vu comme moi. Il y a peut-être incognito, un seigneur qui passe sa soirée à Bullier. J'ai eu la même idée que toi, mais mon valet de chambre a voulu laisser la lettre. Le majordome est allé consulter madame, qui était à la maison, elle, et qui a fait dire qu'elle ne recevait pas les lettres adressées à son mari. Je comprends ça. C'est pour que le mari ne reçoive pas celle qu'on lui adresse à elle. Bref, François a dû me rapporter la mienne avec les billets de 1 000 que j'y avais insérés. Tu en seras quitte pour les réexpédier à ton insaisissable créancier, par la poste, en chargeant le paquet. C'est un procédé dont on n'use guère pour s'acquitter d'une dette de jeu, mais quand on n'a que ce moyen-là... Non, j'irai moi-même. Il y a là quelque chose qui m'intrigue, et je veux en avoir le cœur net. Si je ne trouve pas le marquis... Je trouverai la marquise, et j'aurai une explication avec elle. Bon, tu veux profiter de l'occasion pour te pousser dans son intimité. Tu espères qu'elle se plaindra à toi de la conduite de son mari, et qu'elle t'autorisera à la consoler, dit en riant le capitaine. Qu'est-ce que c'est, au fond, que ces gens-là ? Demanda M. de Carol. Ganges, c'est un nom du Languedoc, je crois. Oui, un nom très ancien. Et la marquise appartient à une vieille famille de ce pays-là. Bonne noblesse de robe, m'a-t-on dit. Je ne les connais pas autrement. Ils n'habitaient pas Paris il y a quelques années, et depuis que la marquise y a acheté un hôtel, elle a très peu vu de monde. Et le marquis n'a guère fait que voyager, à ce qu'il paraît, pour organiser à l'étranger de grandes affaires financières. C'est drôle. Il n'a pas du tout le physique de l'emploi. Je l'ai à peine entrevu à cette closerie des Lilas, mais avant que tu l'aies nommé, je le prenais pour un étudiant. Il a l'air si jeune. Quel âge a donc sa femme ? Ma foi, mon cher, je n'en sais rien, et je n'ai pas l'intention de le lui demander. Je me contenterai de lui parler de son mari, et je saurai ce qu'elle en pense. Je verrai aussi cette excellente baronne d'Ozulé, qui est très bien avec elle. Où a-t-elle pris sa baronnie, celle-là ? Demanda M. de Carol, qui se piquait de connaître toute la noblesse française. Oh, elle ne date pas des croisades. Son mari était le fils d'un général du Premier Empire. Mais elle reçoit très bonne compagnie, et c'est une femme sûre. On peut s'en rapporter à elle, et elle ne refusera pas de me renseigner sur M. de Ganges. Mais je tiens à m'adresser d'abord à la marquise elle-même, et je vais pousser tout à l'heure jusqu'à l'avenue Montaigne. Tu feras bien de te dépêcher si tu tiens à ne pas tomber chez elle à l'heure du dîner. J'y tiens au contraire, car je suppose qu'elle ne dîne pas tous les jours sans son mari, et s'il est là, il faudra bien qu'il me reçoive. Quand j'aurai vu sur quels pieds ils vivent ensemble, je saurai à quoi m'en tenir sur bien des choses. Il doit être fort riche pour qu'elle ait à la tête de grandes entreprises, dans je ne sais quel pays. Ce serait une bonne recrue pour la grosse partie. Tu devrais le présenter au club. J'attendrai qu'il me demande d'être un de ses parrains, et je ne lui en servirai qu'à bon escient, lorsque je connaîtrai à fond sa biographie, ses antécédents, comme on dit au palais de justice. Et tu n'auras pas tort, le marquisat ne fait pas le marquis, et on a vu des gens entrer dans la peau d'un autre. Je crois que ce n'est pas le cas, mais il vaut toujours mieux prendre ses précautions. J'imagine d'ailleurs que si M. de Ganges se présentait, il courrait grand risque d'être blackboulé. Pourquoi donc ? Il est dans les meilleures conditions pour être admis, puisque personne ne le connaît. On n'aurait rien à dire contre lui. Qui sait ? Mais je doute qu'il songe à être des nôtres, et peu m'importe qu'il en soit ou non. Ce qui me préoccupe pour le moment, c'est de lui payer ce que je lui dois, et il est temps que je me dirige vers l'avenue Montaigne. À pied ? Oui, j'éprouve le besoin de marcher. Et ce n'est pas si loin, l'hôtel de la marquise. J'espère qu'elle y recevra maintenant que son mari est rentré à Paris. Elle est jolie, hein ? Demanda Henri de Baffé. Ravissante, mon cher, adorable, blonde comme les blés, avec les yeux et le teint d'une Andalouse de Séville. Tu me feras inviter chez elle, interrompit gaiement le capitaine. Je ne dis pas non, mais nous n'en sommes pas là. Oh ! S'écria tout à coup le comte de Carol, un revenant. Où ça ? De qui parles-tu ? Là, sur le trottoir, cet homme qui regarde le balcon du club. Vous ne le reconnaissez pas, vous autres ? Ma foi, non. Il vous a pourtant prêté plus d'une fois de l'argent à tous les deux, dans le temps où vous alliez ponter au cercle des Moucherons, où il y avait une si belle partie. Il me semble en effet que je l'ai déjà vu, cette tête-là, murmura le vicomte de Servon. C'est l'ancien garçon du jeu du cercle des Moucherons, parbleu, dit Monsieur de Carol. Je m'étonne que tu ne l'aies pas reconnu tout de suite. Si tu t'imagines que je fais attention à la figure de ces gens-là, il y a beau temps que j'ai oublié la sienne. J'ai plus de mémoire que toi, car je me rappelle même son nom. Il est vrai qu'il a un de ces noms qu'on retient parce qu'ils sont ridicules. Brunachon. Pourquoi pas Patachon, comme dans Les Deux Aveugles d'Offenbach, voya le capitaine. Oui, je me souviens maintenant, dit Servon. Il prêtait au décavé, à de jolis intérêts. 1 louis par jour pour 50 louis qu'il avançait. Il a dû faire une jolie fortune. On ne le dirait pas à sa tenue. Et ça s'explique, on l'a chassé des Moucherons, à la suite d'une très vilaine histoire. Bon, j'y suis. L'affaire des cartes marquées à coups d'ongles. Il a été fortement soupçonné de les avoir introduites. Et si on a étouffé l'affaire, c'est qu'on craignait qu'il ne compromît des membres du cercle. Il avait certainement des complices parmi les joueurs, puisqu'il ne pouvait pas jouer lui-même. On s'est contenté de le renvoyer, et Dieu sait de quoi il a vécu depuis qu'on l'a mis à la porte. De chantage, très probablement. Il avait déjà essayé d'en faire, au moment où le scandale éclata. Ça ne paraît pas lui avoir réussi. Vas-tu pas le plaindre ? Non, mais je suis sûr qu'on le regrette au Moucheron. C'était si commode de trouver immédiatement un billet de 1000 quand on était à sec. Je me rappelle qu'une fois, après avoir pris une calotte énorme, je me suis refait, séance tenante, avec 50 louis, qu'il m'a prêté. À 100%. Non, à 50%, par nuit. Je lui ai rendu 1500 francs avant d'aller me coucher. Il a gardé un bon souvenir de toi. C'est pour ça qu'il s'est arrêté à le contempler. Il espère que tu vas descendre pour lui faire l'aumône, en mémoire des bons procédés. Tu vois bien qu'il s'en va. Oui, le voilà qui file vers la Madeleine. Il va probablement faire un tour aux Champs-Élysées, dans l'espoir d'y rencontrer quelque ancien client comme toi, qui aura le louis facile. Ma foi, je ne lui refuserai pas s'il me le demandait, le louis. Dis donc, Servon, s'écria le capitaine, si tu tiens à l'obliger, tu pourrais le charger de te renseigner sur le marquis de Ganges. Brunachon ferait aussi bien de l'espionnage que du chantage. Pour qui me prends-tu ? Je te prends pour un amoureux, et quand on est amoureux, on n'y regarde pas de si près. La marquise vaut bien qu'on emploie tous les moyens pour savoir au juste à quoi s'en tenir sur elle et sur son mari, retour de l'Inde ou de Turquie, puisque le bruit court qu'il a triplé sa fortune dans les états du sultan. Tu es fou, il n'y a pas moyen de causer sérieusement avec toi. J'en ai assez et je m'en vais. Chez elle, bonne chance, mon cher. Carole et moi, nous allons faire un Rubicon à 100 sous le poing. Avec bien du malheur, le perdant y sera d'un millier de points. Ce sera peut-être moins cher que de courir après la marquise. Servon haussa les épaules et entra dans le salon pour sortir du club. « Ouvre l'œil si tu tiens à ne pas rencontrer Brunachon !» lui cria Henri de Baffé, avant qu'il fût hors de vue. Il exagérait, ce capitaine, en disant que son ami était amoureux de Madame de Ganges. Le vicomte la trouvait charmante et ne demandait qu'à s'assurer ses entrées chez elle. Mais dans ce désir de rapprochement, il y avait autant de curiosité que de passion. Il voulait surtout se renseigner sur le mari qui lui avait gagné son argent et qui commençait presque à lui paraître suspect.